le vent, la mer, le soleil et la pluie. C'était comme en hiver. La nuit, le froid, le feu, c'est l'éclat de ses yeux quand elle est en colère. Ma vie, souvent, qu'elle a trop oublié, c'est un cri dans mon cœur. Et c'est le vent, la mer qui me l'ont redonné en rêve cette nuit. Je l'ai vu passer, elle était nue comme une enfant. Nue comme la mer, elle était nue dans la lumière. Mon chagrin dansait dans ses yeux clairs comme une larme. Le soleil et la pluie, c'était comme en hiver. La nuit, le froid, le feu, c'est l'éclat de ses yeux quand elle est en colère. Ma vie, souvent, qu'elle a presque effacée, c'est un cri dans mon cœur. Pourtant, ce cri, mon cœur commence à l'oublier. Je crois qu'elle reviendra. Je l'ai. Elle était nue comme une enfant. Nue comme la mer, elle était nue dans la lumière. Mon chagrin dansait dans ses yeux clairs comme une larme. Une larme amère qui ferait tomber. Wow.